des KSS. Ambition. Ok. On a voulu monter, on a voulu descendre. On s'est fait démonter, maintenant on renaît de nos cendres. C'est pas le phénix, mais les kids ont my cœur. C'est pas le phénix, mais des KSS. Le professeur, on veut pas nous stop. On est bien trop parti. Et dégage-toi avec ton rap d'armée. On peut pas changer le monde, il est bien trop tardi. L'impression d'être vieux comme un grand papy. Mais je n'ai que 14 ans et je fais des grands papiers. Et j'ai de l'ambition comme un avion en papier. Les deux pieds dans ce guépier, comment veux-tu en sortir? Et avec toutes ces grandes agressions, comment veux-tu bien dormir? On rénove le rap et le bon pas de hormis. Et si on continue, c'est qu'on veut pas finir chez Orpi. Ouais, le monde est trop louche, donc me barre sur orbite. Et tu trouveras jamais de dérapage dans nos ordis. J'ai fini ce que j'avais à dire, donc voilà le refrain. Dans ce monde fécondé où tu seras aspiré, petit refrain. Depuis tout petit, j'ai de l'ambition et des missions. Celle d'aboutir à un son, des bâtons dans les roues. J'irai pas dans le trou, toujours debout. Même si je jouais à l'échec après cette mixtape, la mollet, je la take. Depuis my take, je lâcherai pas le bout. Et je me connais, je veux atteindre le sommet. Quitte à en être assommé, jamais je stagnerai. Ok. KSS. Ok. On est à privé, mais pas pour trépasser. On veut toujours faire ça bien, mais le temps est passé. De ce putain de rap game, jamais on est lassé. J'ai appris que cette vie est bien plus dure que de faire ses lacets. C'est-il assez? Pour faire péter le compteur, faut mordre la vie à pleines dents. Faut avoir foire de l'ardeur. J'ai appris à persévérer la première fois qu'on m'a mis à terre. Car depuis peu, nos rêves ont le coup coupé comme Soledad Apollinaire. Tu pollues l'air. Combien de fois l'a-t-on entendu? On vit dans un monde où peu importe, toutes rumeurs sont confondues. Et si je suis entré dans le bis, c'est pour combler un vide. Et pour servir à quelque chose dans ce monde de perfide. Ici, si touche pas les étoiles, les idées s'éteignent. Désolé de dire la vérité, je suis là pour ça, ou en tout cas j'essaye. On vient tous de loin depuis l'Empire et Charlemagne. Fais attention à tout le monde, fais ton vice. Ouais, faut que tu te manges. Faut que tu te manges. Yeah, depuis tout petit, j'ai des ambitions et des missions. Celle d'aboutir à un son, des bâtons dans les roues. J'irai pas dans le trou, toujours debout, même si je suis voué à l'échec. Après cette mixtape, la monnaie je la take. Depuis les mic checks, je lâcherai pas le pouls. Et je me connais, je veux atteindre le sommet. Quitte à en être assommé, jamais je stagnerai. Ok. Le globe terrestre est bleu, mais on veut être dans le vert. On écrit, même un genou à terre. J'écris trop, mic check, donc je ne ferai qu'à demi-cesse de tout là-haut. Mon but est de faire les deux hémisphères. Dédicace à Fouini Pape, mais qui peut me stopper? J'ai des ambitions dans la vie, et qui peut les choper? Ok, je m'arrête ici, même si je veux aller au bout de la route. C'était DKSS, votre serviteur, je l'ai déjà dit. À plus, à toutes, à toutes. Ok. Depuis tout petit, j'ai de l'ambition et des missions. C'est d'aboutir à un son, des bâtons dans les roues. J'irai pas dans le trou, toujours debout, même si je suis voué à l'échec. Après cette mixtape, la monnaie je la take. Depuis les mic check, je lâchais pas le bout. Et je me connais, je veux atteindre le sommet. Quitte à en être assommé, jamais je stagnerai. Ok. Fan de la fouine, c'était sûr que je le ferais. Volume 1. Ce n'est qu'une sorte d'introduction. La prochaine, c'est Space is the place. Space is the place. Space is the place. Space is the place. Space, space is the place. Space is the place. Ok. Des KSS. It's up.